Bonsoir ma gang de zombies, bienvenue à Vidéo Nasties. Chaque semaine, voyez avec moi certains des films les plus gore, les plus trash, mais surtout les plus censurés de l'histoire du vidéo. Découvrez les films bannis pour leur atrocité et pourquoi ils ont été censurés. Mais avant tout, c'est un show pour les fanatiques du cinéma d'horreur. Venez prendre un bain de sang avec moi tous les mercredis dès 21h sur douteux.tv. Bonjour, nous sommes les Heartbreakers. Je suis Mustang Eddie Jones. Et je suis Red Blood Rick Rose. Et nous approuvons ce message. À vendre, deux hommes jeunes, dynamiques et vivants, cherchent public rafraîchissant et déodorant, tel une brise de plage de l'île du Prince-Édouard. Ils aiment dans l'ordre le plaisir, le rire, la musique rock'n'roll et les boulons, ainsi que les lamas. Ne manquez pas les Heartbreakers sur les ondes de douteux.tv, la télé des délaissés. Et ne manquez pas les émissions de radio des Heartbreakers sur heartbreakers.com. Message approuvé! Danny Daniel, sûrement toi, tu nous écoutes de ton côté de l'Atlantique avec les amis de France. Y a-t-il des serpents là-bas? Y a des serpents, oui. Ça a été une de mes... En France? Oui. Ben, des vipères, puis des grosses couleuvres. Mais tu sais, des affaires d'un mètre de long. C'est des sortes de serpents. Pas comme les lacets, les... Ouais, c'est ça. Ça, c'est le plus gros que j'ai vu en Abitibi. Ah, des vies de mer? Ouais, y a des vipères, puis des vies de mer aussi. C'est Marianne, voilà, Marianne qui vient nous parler de son prochain projet artistique. Marianne, c'est pas sa première fois, en fait, dans nos studios. Elle était venue pour le spécial de Noël. Mais c'est comme si ça l'était à chaque fois, Tommy. Ah ben, Colin, on va renouveler. À ma droite, j'ai Boudreau. Salut. Professionnel de son état. Ton attitude, elle va combien aujourd'hui? Ah ben, ça va pas pire. Je me masturbe, là. Oh, c'est bon. Généralement, l'animal qui se masturbe va bien socialement. Ah, dans ce sens-là, ouais. Ouais, absolument. Ouais, j'avoue. C'est... Bruno! Ouais! Je me sens tout seul, un peu. Toi? En manchette ce soir, deux doigts dans le nez. Ouais, vous allez me voir taper, là, ce soir, là, parce que j'ai pas. OK, donc on commence 70% solide. Moi, cette semaine, j'ai fait le tri d'une boîte de cartes de sport que mes parents ont trouvé dans le déménagement dernièrement. J'ai retrouvé des affaires comme Peters, Voboda, tu sais, puis j'ai gardé Brian Scrooglin, puis tu sais, des gros joueurs. Qui valent la peine. Je pense que j'ai même un Jaromir Jagr recru là-dedans. Et Mark Recchi, toi. J'ai ça, sa première saison. C'est fou, Joe Sakic, hein, on parle de dans le temps. En tout cas, pas mal content d'avoir fait le tri là-dedans. Il y a beaucoup plus de moustaches à cette époque-là qu'il y en a de nos jours, je suis pas mal sûr. Sinon, grosse découverte, j'ai reçu tantôt par la malle Vive les joies de les internets. J'ai lu Fiat 2 ici, Rise of the Sinestral, en role-playing game dans mon DS. Fait que s'il y a des fois dans l'émission que j'ai l'air de pas vous écouter, c'est ça qui s'est en train de se passer. C'est ça. Ouais. Ouais. On a mis Mathieu au centre à soir. C'est pour que tu goals. Hein. À console, on a Simon Préjean, éternel merci. Et puis moi, je dis, non, tu devrais peut-être aller nous le montrer. Les spectateurs ne doivent pas me voir. Oh boy, ok, ouais. Hey! Andy, fais pas chier Dieu, tu sais comment... C'est dans ma colère! C'est ça. Donc, on est lancé pour un gros 70%, émission pour lequel le film qui va faire le corpus, qui a été voté sur le www.douteux.org par un nombre grandissant de personnes chaque semaine... C'est Blood Dinner. C'est un petit peu la suite de Blood Feast. En tout cas, on va en reparler dans l'émission. J'ai pas mal de choses à vous jaser. C'est plus le temps de reculer. Je trouve ça bien, bien effrayant. Je suis 2 semaines à l'affiche. J'en demandais pas autant. C'est sûr, je suis bien content, mais d'un autre côté, ça me pogne toujours en dedans. Ça fait boum. Ça fait boum. C'est ça. C'est Dieu qui va commencer l'émission avec un premier clip. On va revenir avec des nouvelles, là, puis jaser de toutes sortes d'affaires. Là. Oh. À 70% sur les ondes de Dieu, tu fais jouer quoi, là? La TV des dieux, tu fais jouer quoi? J'ai un serpent! Je pense que ça vaut même pas. La télé du serpent! On a Marianne Enzo. Ah oui, c'est... Oui. fuck, c'est à moi! Je pas voici pour maintenant vrai. Les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Qui le serpent? Bonsoir! C'était pas prévu que ce serait à mon tour, fait que ça va être à mon tour. On reste adaptable. Ouais. Ah oui. Alors, Gerald B. Harden de Case, au Wisconsin, a été accusé d'avoir comploté avec deux autres individus afin d'escroquer une compagnie d'assurance. Les procureurs affirment que Harden et un autre homme avaient utilisé une petite scie à chaîne afin de couper la main d'une troisième personne. Oh, bizarre. Les trois participants ont ensuite réclamé des redevances pour la politique de démembrement de l'assurance habitation. Oh, bizarre. Ah, ben et ont oui, reçu hein. plus de 671 000 $. Harden fait face à 20 ans de prison et une amende de 250 000 $. Ah, oh, il va y en rester. Ben ouais. Fun! Ça reste 421 000 $. Aïe, combien ça va? On est rendu là, ben ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Ben oui. Ça va bien. Ah, oh, tu peux le faire. Et puis, t'en as-tu une autre? On réfléchit à celle-là. Je peux y aller avec une autre tout de suite, si tu veux. Ben, j'ai c'est pas pire, ça. C'est du monde qui sont replacés, celle-là, tu vois. Fait que ça va bien aller. C'est dans la ville de Mount Pleasant, en Caroline du Sud. Le bureau de distribution de badges de stationnement pour handicapés va déménager bientôt. Ce déménagement est dû au fait que l'emplacement actuel, au 13e étage d'un édifice dans lequel l'ascenseur ne monte jusqu'au 11e étage, semblait illogique pour certaines personnes. Ben sûrement. Après mûre réflexion, le conseil municipal a décidé de trouver un bureau au rez-de-chaussée. Ah, c'est beau. Ben oui, ben oui, c'est ça. C'est beau, hein? Ouais, c'est pas comme l'histoire du gars qui s'est fait couper la main et que ses chums aient de quoi rester chez eux pendant tout le temps. Mais tu sais, il va peut-être envoyer plein de monde à l'école parce que sa main est coupée. C'est fou, pareil. C'est comme, mettons, en Afrique, ils coupent les bras des bébés pour forcer les parents à aller chercher les diamants dans les mines. Ouais. Mais là, ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent les bras des adultes pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Tu comprends la logique. Ouais, c'est ça. Différents endroits. Deux négatifs font un positif. Exactement. Deux Wayne Gretzky League Leaders assistent. Pareil, mon gars. Mike McNeil, le tout-puissant Rob Blake recrue. Puis toi, mettons une troisième nouvelle. Peter Svoboda, le 2000e point de Wayne Gretzky. Mario Lemieux. Ah oui, je l'avais, celle-là, pour vrai. Mario Lemieux, à sa troisième saison. Aïe, aïe, mon gars, ça doit rien valoir pas en tout. Oui. Parlant de souvenirs retrouvés. 2000. Fuck. Ouais, 2000e point, là, il en a fait pas mal, Wayne. En fait, à l'époque, là. Il y en a 2800, puis celui qui en a le plus après, c'est Gordie Howe à 1800. C'est conséquent de plus. T'sais. C'est Wayne, hein? Cette semaine, je suis bien content de reparler de jeux vidéo parce que, en fait, 70% au départ, on ratelait pas mal large, tu sais, puis avec le temps, les collaborateurs se greffent, puis finalement, il y a comme personne qui parle de jeux vidéo, vraiment, sauf Bernatché, tu sais, puis Bernatché, on le prend pour acquis, fait qu'on le compte pas. Ouais. Cette semaine, j'ai redonné sa chance au nouveau Zelda, Skyward Sword. C'est, en fait, au départ, j'avais comme choqué après le deuxième donjon. Et puis, tu sais, t'es comme, va chercher des affaires. Puis, c'est beaucoup 3D parce que tu vis dans le ciel, t'es sur un oiseau. Puis après ça, ben, tu sais, ton premier objet que tu pognes, c'est pas un boomerang ou des affaires de même, c'est un petit scarabée qui vole puis que tu contrôles dans les airs. Fait que c'est vraiment comme une nouvelle dynamique qui t'implique plus dans la troisième dimension. Puis c'est peut-être ça qui va rebuter en commençant. Mm-hmm. Puis là, ben, comme le premier puis le dernier des Zelda qui m'a donné de la misère à date, c'est Majora's Mask. Puis après m'être forcé, c'est devenu un de mes préférés. Ah, fait que là, je me suis dit, moi, m'a reforcé, puis avec la Wiimote aussi, ça fait une nette différence. Si tu tiens la Wiimote comme ça, puis tu fais ça comme ça, ben il va donner un coup d'épée comme ça, puis je veux dire, quadrillé, là, c'est pas une diagonale, il y a pas 8 directions de slash, là, tu peux slasher comme tu veux. Là, pis, tu peux, oui, quand tu tournes, l'épée tourne. Ouais, exactement, ouais. C'est comme si t'as tenu, mais tu fais ça de même, puis lui, il swing 5 livres de ma... Bon, un excellent jeu, finalement, j'ai réussi à débloquer de l'endroit où j'étais jamais. La princesse, elle s'est sauvée comme dans le temps avec quelqu'un qui a l'air très viril, parce que tout le monde a l'air très viril dans ce monde-là. Oh, et puis, ben là, il faut que j'aille chercher des affaires pour rendre mon épée plus forte, puis ça, tu sais, je veux dire... T'es un gars, elle va briller, pis tu as des balles, tu sais. Ouais, mon épée, t'en prendre deux caisses, tu sais. Voilà, fait que là, on commence à refaire des stages, je me promène plus, gagner le pouvoir de nager. Sinon, pour tout ça, pour dire que Ah ouais, le pouvoir est très puissant de nager parce que dans Zelda, c'est pas tout le temps facile. Des fois, tu commences, faut que tu pèses A, puis le héros qui va sauver le monde, qui est capable de faire des roulades dans les escaliers comme si c'était du jello, là, ben, il nage pendant 5 secondes. Ça s'en vient de mieux en mieux, le jeu. Je suis très content. C'est ça, graphique, système de combat, histoire, progression. Tout me semble au beau fixe. J'ai juste pas encore de nouvelles de Ganon. Je suis un petit peu comme inquiet. Je confiance que le roi des méchants Gerudo paraîtrait. Va réussir. Ouais, c'est ça. Et là-dessus, bonne fête, DJ George. Bonne fête, DJ George. Bonne fête. Bonne fête. Même Dieu a chanté avec nous autres, Colin. C'est ça, c'est la fête à un de nos collaborateurs. Il est pas là, fait qu'on peut se vider le cœur. Moi, ce qui me tape le plus ses nerfs à propos d'Étienne, je pense, c'est à quel point il est trop souvent pertinent. Ça me tape ses nerfs. Savez-vous qui c'est que j'haïs? Étienne Forêt. Savez-vous qui c'est que j'haïs plus qu'Étienne Forêt? DJ Jean! Son Christ de fils! Non, mêle-les pas, tombe pas à son niveau. Excuse. Ben oui, il a impliqué son fils dans... Oui, monsieur va à l'impro. En tout cas, prends soin de toi, Étienne, parce qu'on te doit chacun une grosse bine sur l'épaule. Et voilà. Puis là, ben, c'est quoi qu'on pourrait faire? J'ai amené Aiden Christensen. Moi, c'est pas malement la toune que je préfère, qui m'a fait découvrir. C'est la Chicken Yodel Polka avec un excellent... J'aime ça le mot excellent, ça veut plus rien dire tellement je l'ai dit souvent. Ça a été fait comme. Vas-y, parle quand tu veux. Là. On écoute Christian Nandel. Chicken Yodel Polka, il n'a pas de. DJ George puis Anthony, ouais, travaille sur ton attitude. Ouais, c'est clair. Je vais présenter un jour mon fils. Marianne, toi, c'est toi qui m'as envoyé un email cette semaine. T'as dit, hey, j'aimerais ça aller à votre émission pour parler de. Du cabaret de la Boîte d'Or qui s'en vient bientôt. Le cabaret de la Boîte d'Or, continue, on t'écoute. Ouais, mais en fait, c'était plutôt pour te parler de la Boîte d'Or au départ pour en venir au cabaret. Tu permets-tu que je puisse parler de ça? Ah, moi, je t'ai dit, prends les détours que tu veux. Ah, t'es fin, je t'en prie. Surtout, c'est le fun, ça. C'est ça, regarde, tu vois, je suis en train de... Parle. Concentre-toi sur tes cartes, ça va. Bon. Non, c'est ça, mais dans le fond, Tommy, je suis venu te parler de ça, là, parce que, dans le fond, on fait un peu la même chose que vous autres au Doutu. On éclaire des endroits obscurs. C'est bon, ça. Là, je sais pas. Tu parles du bistrot de Paris quand tu dis endroit obscur? Ou... Oui. Non, pas tant. Mais en fait... Non, c'est qu'en fait, la boîte d'art, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la promotion des jeunes artistes qui sont... pas encore connus, en fait. On a des têtes d'affiches qui le sont un peu plus, mais c'est vraiment faire la promotion de tous les types d'art en commun. Donc, il y a beaucoup d'événements ici à Montréal qui sont faits, mettons. Il va y avoir des spectacles d'auteurs-compositeurs, des slammers, des poètes ici et là. Mais nous autres, ce qu'on fait, c'est des soirées cabaret. Okay. Donc, au départ, on a les 6 à 8 de la boîte d'art, qui sont les soirées d'auteurs-compositeurs. Ensuite, on a diffusion de courts-métrages. On va avoir aussi poètes, slammeurs, performeurs, des bands durant la soirée. Et il y a toujours un peintre live différent qui est invité à nos shows. Donc, c'est vraiment le type cabaret. Ah, parfait, ça. Mais pourquoi vous ne nous avez pas invités encore? Ah, ça s'en vient. Justement, je voulais te l'annoncer en nombre pour pas que tu dises non. Yeah. Ouais, mais d'habitude, je dis oui. Hein. Puis si tu m'avais invité, j'ai été 3 fois de suite, j'aurais été 3 fois de suite. Fait qu'en gros, dans le fond, c'est le fun, ça fait un gros mélange d'artistes de toutes les places et de tous les niveaux. Ça. Est-ce qu'il y a comme du mentorat? Est-ce que vous encouragez le partage entre les artistes? Ben, tout à fait, mais en fait, c'est pour ça qu'on a créé ça. Okay. Dans le fond, c'est une plateforme où les artistes de plusieurs milieux peuvent se rencontrer. Ce que tu as dit, c'est que... comme je disais tantôt, tout le monde est pris un peu chacun de leur côté. C'est un peu des cercles hermétiques. Ouais. Tandis que là, ce qu'on fait, c'est on ouvre les vannes. Ce qui est à dire, c'est que dans ces soirées-là, on a la chance de pouvoir rencontrer d'autres créateurs dans le multimédia, par exemple. Ou bien sinon... Ouais, un peintre peut rencontrer un musicien, puis là, ben, ils font de quoi ensemble. Exactement, ouais, mais bon, un vidéaste peut aller chercher des gens pour faire des trames sonores, par exemple, et vice-versa. Auteur-compositeur, trouver des gens pour faire promotion de vidéoclips et compagnie. Oui, hey, bravo ça, moi j'embarque totalement. En tout cas, est-ce que vous avez comme un pied à terre? Est-ce qu'il y a une place où le cabaret se passe? La boîte des arts, c'est un endroit, mettons. La boîte d'art, en fait, c'est une boîte de promotion. Okay. Donc là, présentement, on a pignon sur rue sur Saint-Denis, au coin de Mont-Royal, au Bistrot de Paris. Donc c'est tous les premiers vendredis du mois. Ça commence à 6h le soir avec les auteurs-compositeurs, et ça se poursuit toute la nuit durant pour des nuits de fou. Là. On voit l'affiche à l'écran. Puis c'est quel vendredi, t'as dit? Premier vendredi du mois. OK, comme fait là, que le deuxième jeudi, c'est pas une bonne idée, faut que ce soit le premier vendredi. C'est le premier vendredi du mois. OK. Oui. Premier vendredi. Donc, par exemple, dans le prochain... Même si c'est une année bissextile, je veux dire, ça change rien. Non, ça change absolument. Donc, le premier vendredi, à ne pas confondre avec le n'importe quel yam, n'importe quel autre jour du mois. Exactement. Ah, c'est tellement perspicace, ouais, c'est ça. Fait que ça revient à une journée par mois. À ne pas confondre avec la semaine des 4 jeudis. Ah, non plus. Ouais. Non, c'est ça. Ça passe pas la semaine. Il y en a des autres qui ont des exemples comme ça. À ne pas confondre avec Claude. Ah non, mais souvent on le confond, puis c'est vrai, t'as raison. Fait que c'est né d'où cette initiative-là? Est-ce que c'est toi, tu t'es levé un matin, tu marchais, il y avait un champignon, t'as grossi, puis t'as dit « je fais ça ». Je me suis bien sauté sur la tête des monstres. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, je sais pas. On dit des champignons, pas des monstres. Non, mais il y a monstres aussi là-dedans, là. Ah, mêle-moi pas, là. Des fois, il y a des coupas, là, fait qu'il connaît rien. Il a essayé de t'épiner, mais il s'est piné en tout temps. Je me pine régulièrement en essayant d'épiner. Ah, Seigneur! Continue, Marianne, on t'écoute. Non, c'est qu'en fait, j'ai fait... Ben, moi-même, je suis auteur-compositeur, puis j'ai fait beaucoup de concours. J'ai essayé d'aller dans plusieurs soirées. Disons que mon style est peut-être un peu moins conventionnel, puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de place pour ce qui est moins convenu, je te dirais. Bon, mettons les premières parties. Ouais. Qui parlent entre eux autres après, là, pendant que YouTube, ils font le show. Oh, mais c'est pire que ça. Dans les concours, souvent, on te refuse parce que t'es pas à la sauce du jour. Donc, c'est... Je sais que t'as compté ça en l'académie. Tu viens de te mettre tout à un côté. De moi, je me prononce pas là-dessus. Marianne, tu sais, on en a parlé souvent, toi pis moi. Hein? Non, mais moi, l'empire je suis d'accord avec là. Elle. Ben oui, absolument, l'empire est là. Ouais, ça prend les affaires pour permettre aux gens d'échanger. Fait que c'est ton initiative, dans le fond, la boîte d'or. De moi et de mon collègue Guillaume Lessard, qui travaille avec moi. Ben là, vous devriez nous faire une pub là, de quoi, là? Tu t'empoigneras du monde là, puis on va la faire passer sur notre canal de TV. Ah, mais c'est super gentil. Moi, en tout cas, je vous souhaite seulement d'aller vers l'avant, de poursuivre, vaincre et de faire attention à tous ceux qui ont des pieds trop gros, là, comme on parlait. Je ne lui donnerai pas de nom, là, mais Éric Lapointe et Normand Bradouet, ils ont assez de subventions. Ça sonne comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que, en tant que tel, si je peux me permettre de parler d'une clientèle. Non, non, non, non, non. avant, dites quoi de méchant. Dites quoi de méchant sur quelqu'un qu'on connaît pas. Nathalie Simard. OK, tu peux y aller. Je suis pas capable de dire non, du non, mal personne. Permets-toi d'abord, permets-toi. Oh, merci. Elle est tellement permissive. Tu devrais dire du mal de quelqu'un, toi, ça fait du bien. Qu'on connaît pas, c'est ça qui est le plus drôle. Cool. Ah, ben t'es c'est... tellement permissieux. OK, on l'écoute, go. Ouais, OK. Non, c'est sûr. Fait que dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que notre clientèle est aussi notre produit, entre guillemets. Ce qui est à dire, c'est qu'on invite les artistes qui sont indépendants à venir se joindre à la crowd, si on veut, puis de faire partie de ce mouvement-là. Ah ben, on fait partie, nous autres aussi. Ta gueule! Ouais, mais je... Ben oui, c'est vrai. Le douteux fait partie de ce type de quoi. Absolument. Okay. Puis on a... Oh, tu dis qu'il y avait des courts-métrages aussi? Comme... Ouais, ouais, ouais. Oui. Ça c'est, merde! Non! Mais... T'es à 70% relax. Oui. Mais d'ailleurs, le premier court-métrage qu'on va diffuser, vous le connaissez bien, c'est Mathieu Enfield. Ah, ben oui. Ouais, c'est Zombie, le documentaire. Oh, qui a déjà joué pendant notre spécial d'Halloween. On a tellement... Je veux dire, on a déjà un véhicule. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Mais écoute, on est déjà mariés, puis on le sait pas, Tommy. Vous faites partie de nous autres. Peut-être que nous autres, on fait partie de vous autres. Ben oui, tout le temps de la place. On est toutes la même chose. On va continuer à en parler au fil et au su de l'émission. Tu vas sûrement pouvoir nous plugger un petit clip. On a quelque chose là-bas. C'est de l'audio. Ben en fait, tu l'as-tu reçu? Tout est là. OK, mais tu peux te mettre Cantabile? Parfait, merci. C'est notre main event de la soirée du 6 avril 2012. Fait que c'est de l'audio. Moi, je vais aller montrer des cartes de hockey en avant de la lentille pendant que l'audio y joue. Ah, génial. C'est bon, génial. Ça? Génial. C'est l'art de performance. C'est ça. Surprenante violoniste. We'll be right back. finir l'école sans 50 points. Plaît Dieu. Dieu? Je parle comme Dieu. Qui sont les snorkies? Qui, mais qui? Qui sont les snorkies? Qui, mais qui? C'est Ripoff, honteux des schtroumpfs qui vivaient sous l'eau. Tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. C'est vrai. Généralement, c'est vrai, ça fait c'est vrai. Des poils. Hey, là-dessus, sur les belles phrases de Rocky qui nous a rappelé que dans la vie, ça prend des HP, j'aimerais remercier Michael Parent du Bokebière à Sherbrooke qui est venu dormir ici pendant le Winter Warmer et qui nous a amené, lui qui est brasseur pour le là-bas et qui est aussi un membre, on pourrait dire, vivant et présent de la communauté des douteux à Sherbrooke. Et il est brasseur puis il nous a fait une espèce de vin décanté d'érable de sa bière à l'érable à 17%. Là. Mmh. Fait que là, je l'ouvre là, on va se l'envoyer en arrière du goulot pendant qu'on va écouter les aventures de la vie de notre ami Boudreau. Non, mais tabarnak. La colère avec Mathieu Boudreau. Laissez-y son intimité. C'est n'importe quoi, tabarnak! C'est de l'hostie de merde, Internet! Non, OK, on commence pas tout de suite avec ça. Je veux juste te montrer comme... mon fils, cette semaine, t'as pas fait de dessin, mais il a traîné ça. Il a traîné ça toute la semaine avec lui. Ah. Tu vois-tu? Ça, tu remarques peut-être pas, mais c'est une annonce du prochain album de Sheryl Crow. Ah. Ouais. Bon, en tout cas, il va être très rond, très très rond. Moi, je pense que ça là, c'est l'album que la Terre attendait pour virer la vapeur de bord. Mm-hmm. Avec ça, on va aller mettre les banquiers mais à terre. Ouais, tu peux peut-être juste encore le montrer. Mon fils, il disait tout le temps, "Gay papa fait la pute. Gay papa fait la pute." Je disais, "Ouais, il était intelligent, hein." 6 ans de discernement. Hein, c'est vrai, pareil. Il discerne au bout. C'est quoi qui fait que ses cheveux, ils sont relevés comme elle ça? Elle fait la pute. Okay. Mais il y a rien de naturel, elle peut pas. Ben, peut-être qu'il vente. Ah ouais, il y a du vent au pays des putes. J'avais vu Marie-Angèle, tu sais quoi. Ah bon, on a du fun. Fait que. Fait que je vois. Cette semaine, là, sérieux, hein? C'est de l'ostinement d'Internet, hein? Je voyais ça à TV, moi, hein, parce que, tu sais, monsieur. Oui, attends. Il écrit Boots. C'est comme un boots. Une lettre près. Ah oui, ben c'est un même jeu de mots. L'orthographe du T. Oh, c'est un jeu de mots, on est ouais, tellement. Ben là, il y a du monde qui se coupe la main pour pouvoir envoyer, pour tout, pouvoir se saouler. Non, mais toutes les semaines, je me force, moi, pour avoir l'air en colère, mais je le suis pour vrai. C'est ça que je fais. On t'écoute, c'est Mathieu. C'est de l'hostie de merde d'Internet. Moi, je voyais ça à TV l'autre jour, une belle annonce de Belle, tu sais, une coupole gratuite, 128 postes HD, haute vitesse, l'intraveineuse, tabarnak. Fait que j'ai même pas fini de regarder l'annonce, j'appelle. Hostie. Faut que tu payes pour ça, l'interweb. Ouais. Tu payes pour ça. Tu sais, quand tu dis il y a de la porn gratuite sur Internet, là, t'en payes quelque part pareil, ta porn, là, tu sais. Hein? Bon, un prix ridicule, là, si on compare à la quantité qu'on y trouve, hein. Parce que faut pas se mentir non plus, là, on trouve de tout dans tous les styles en 12 secondes, hein? Mm-hmm. Pratique pour l'éjaculateur précoce que je suis, hein? Mm-hmm. Ben oui, j'éjacule précoce, moi, j'ai pas honte d'en parler, hein? T'es là. Ben oui. Je sais pas d'où ça vient, mais je viens nerveux avec une femme. On dirait que je suis comme plus habitué de fesser, moi. Tu sais, la tendresse, ça me rend mal à l'aise. Vu qu'il y a jamais personne qui m'a comme donné de l'amour, comme pas capable d'en donner, tu sais. Il n'y a pas de réflexe, tu sais. J'ai toujours été un grand sensible, moi, tu sais. J'ai même pété à gueule un gars une fois parce qu'il me trouvait émotif, tu sais. J'étais allé voir Dédé à travers les brumes, tu sais. Et je braillais, je me disais, ça se peut pas que le gars qui jouait mon oncle Serge, il savait ce qu'il faisait, tu sais. Il jouait de même. Serge n'est pas un singe, ok? Serge n'est pas un singe, le monde tourne tout croche, tu sais. Yeah. Obligé de péter à gueule un gars pour faire respecter mon émotivité. Là, il est temps que je te le dise. C'est la fucking fin de l'espèce humaine. C'est des phrases les plus connes que j'ai entendues de toute ma vie. On est en train de s'auto-détruire. Yeah. Puis il y a des preuves très concrètes de ça. Le journal gratuit dans le métro. Question. C'est qui écrit ces articles-là? C'est qui? L'AFP? L'Agence France Presse, puis QMI, Québécois Média Inc. Bon, ok, pour le M de Média, tu peux y aller là comme tu veux là, tu sais. Média. Médiocre, malicieux, malin, mal, hein. Tu peux y aller comme tu veux, tu sais. Marde aussi. Ah, oh, je vais en prendre une drop, je pense. Ben oui, ça va t'aider à... Québécois, quand même, hein. C'est jeune, hein? C'est les trois S. Moufette, c'est son bon, père. Ça. Hey, c'est cœur, hein? Le sexe, le sang, puis le sport. Ça goûte la mélasse, moi, je trouve, mais j'imagine que peut-être que le ciel goûte la mélasse. Un petit peu d'air. OK, ta gueule! Bon! Fait que là, QMI, OK, QMI, là, tu peux en faire plus, tu peux combiner, tu sais. Tu peux dire Québec médiocre imprimé, ou quelconque mollusque indigeste, tu sais, ou quadrumane malsonnant illuvial, tu sais. Ouais, tu vas arrêter à celle-là, là. Ouais, qui veut dire... Ouais. Alors, c'est intéressant que t'en parles, tu sais, parce que ça veut dire qu'il y a quatre mains qui est grossier et qui provoque une couche de matière dans le sol, notamment par infiltration d'eau, tu sais. Fait qu'on... C'est comme un gorille qui pisse. Exactement ça, tu sais. Puis je trouvais que ça marchait, puis à cette heure, moi, je suis cultivé vu que j'ai Internet. High five. Mm-hmm. Yes. Buddy. 56K, ça roule en tabarnak. Bon. Ah, bien sûr, là, il y a 3-4 journalistes là, qui servent l'info locale pour que ça ait l'air vrai, tu sais. Mais le monde qui écrive l'article, là, sa politique internationale, le sport, puis la culture, en majorité, on sait pas c'est qui. Puis ça, moi, ça me fait chier en tabarnak de penser que ça pourrait être 4 calices de babouins avec des crayons dans le cul attachés après des ordinateurs qui écrivent nos hosties de nouvelles. Faut te mettre ça dans la tête. Réveille, hostie! En attendant, c'est Richard Martineau puis Régent Tremblay. Bon, deuxième preuve. Deuxième preuve qu'à un moment donné, on va se réveiller puis on n'existera plus. La politique. Ben là, je te l'ai crié là, l'autre jour, je te l'ai déjà gueulé, ça n'existe plus. Hein? Le gouvernement, il travaille pas pour ton intérêt. Là. Il va falloir que tu mettes ça dans ta petite tête de révolutionnaire, tam-tam, on a du fun puis on fume un joint. Le gouvernement, il sert à 3 choses. 1. Te faire croire qu'il travaille pour toi en te donnant des petites miettes pour que tu fermes ta gueule. 2. Il ramasse ton argent pour payer une dette qui s'accumule à l'infini et plus loin encore. Puis c'est une passoire à contrat pour l'entreprise privée. Si tu sais quoi l'entreprise privée, c'est toi, puis c'est moi. C'est ma sœur, c'est ma mère, c'est ta belle-mère, c'est ton ex, c'est ton meilleur ami, c'est tout le monde! On est tous responsables! Bon, ça me fait penser à une joke, ça. Dans la vie, il y a deux sortes d'esclaves, hein? Celui qui le sait, puis celui qui se ment. Ou celui qui en est content. Ouais, aussi, ça. Vous avez peut-être ça mentir. Ariel, t'as connais? Non, je parlerai pas. Non, je... OK, vas-y, bon. Vas-y. Chaque fois qu'on signe un contrat, on contribue à l'appauvrissement planétaire. On détruit chaque calice de fois qu'on s'enrichit, OK? Fait que quand t'auras acheté ton premier char, ton premier terrain, ta première maison, ta première piscine, puis ta première blonde, ben viens pas faire tes petits yeux tristes une fois par année à guignoler des médias avec ta canne de bine puis ton 10$. En plus d'être cheap, tu te mens à toi-même. On va le régler, le problème de la fin dans le monde, on va passer des lois, puis on va te manger. Yeah. Hostie de sang-cœur, la planète Terre, hostie, c'est le problème, c'est planétaire, hostie. OK? C'est pas toi, c'est nous. Si tu changes pas, on disparaît. C'est peut-être ça que tu veux aussi. C'est peut-être ça que tu veux, puis quelque part, tes raisons sont probablement aussi bonnes que les miennes, hein? Mais encore là, arrête de te mentir. Ouvre tes yeux, puis accélère le processus. Tu détruiras pas la planète avec amour et discernement. Manifeste-toi. Arrête d'acheter local. Exige des plus grosses portions dans les fast-food. Organise des marches contre la créativité. Renferme. Allez à la source. Ah ouais, vas-y. Renferme-toi sur toi-même parce que t'as eu la vie. Parle pas à tes enfants, trompe ta blonde, pis dis-y, t'sais, sois proactif. Dans un monde idéal, je serais pas là. Mais. Hein? Je suis là. Le dernier qui avait ce rôle-là, il est rendu Dieu, mon gars. Ça, c'est à cause de toi! Je suis pogné pour revenir ici, pis que tu me fesses dessus parce que t'es pas heureux, pis ça me fait chier. T'aimes pas la vie, t'as deux choix. Change ou suicide-toi! Conseil, bien manger, Deuxième conseil, fais de l'exercice. Troisième conseil, arrête de fermer ta gueule. Dis-les quand t'es content, dis-les quand t'es pas content. Sois sincère. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même, me semble c'est clair! En terminant. Bill! En terminant, mon père est bien occupé en fin de semaine, fait que c'est moi qui prends les emails. Fait que... tu peux m'envoyer tes questions à jesuschrist@commercialhotmail.ca. Oh, je te garantis pas que je vais être gentil, mais tu vas avoir une réponse. Ça, je te le garantis! En terminant, je voudrais finir avec une petite réflexion d'un illuminé que j'ai rencontré dans plusieurs vies. Hein? Un certain Boris Nellu, que je salue. Non, lui, c'est mon ancien coloc. On le salue aussi. Le gars, il a un t-shirt de son ancien coloc. On s'en est pas fait. Moi, je veux un t-shirt avec la face à Bruno dessus. Correct, il en vend chez Urban Outfitters. Cool. D'ailleurs, on est sur la phrase de la fin. Excuse-moi. Ouais, ah non, non, mais ben, vas-y. Il y a pas du tout de rythme dans ce t-shirt. Tiens, il veut ça. M'en prendre une dedans. Il dit ça, mais il est cynique, c'est pas vrai. Ça. Ouais. D'ailleurs, c'est ça, il nous en veut, ton ancien coloc va être au cabaret de la boîte d'or bientôt. Oui, Louis va être à la boîte d'or. Au spécial humour en juillet, mais je ne comprends pas plus que ça. On ferme la parenthèse. Prends 3 secondes, mais on va revenir dedans. C'est cool, c'est cool, c'est cool. On recommencera à se parler, Louis puis moi. Malaise! OK, bon, je voudrais finir là, avec une réflexion d'un illuminé que j'ai rencontré dans plusieurs vies, un certain Boris Nellu, que je salue. Le gars, il disait... Il faut se pousser à bout pour apprendre à se connaître et purger le mal en soi. C'est pas en restant assis sur une montagne au Tibet que t'apprends la résilience, hein? C'est avec le choc de l'âme avec le réel, hein? Le réel de l'esprit. Je ne veux pas devenir zen, je veux être humain. C'est en vivant la douleur qu'on comprend celle des autres. Fait qu'à cette heure, attachez-vous, passe la fin de semaine à écouter des DVD de Barbie, puis meurs! C'est la dernière réalisation de Siddhartha en plus. Après ça, il est devenu le Bouddha. Fait que tu vas-tu nous quitter pour te faire pousser d'autres faces ou... Es-tu malade? Ah, read. Tiens, bois ça, Boudreau. Bon travail. J'ai bien aimé ça. Ça m'a fait penser. J'ai pensé souvent à qu'est-ce que c'est de faire un tout petit geste pour se sentir un petit peu plus belle. Je l'ai souvent. Mais ça veut rien dire par rapport au reste. Hey, on va aller écouter Rotate Your Owl, Dieu, s'il te plaît. Non, j'ai dit quelque chose de bret de à toi, anyway. David Bowie, John Z.C., ça tombe. Hey, ça vient de l'album de 92 qu'il a fait, que d'habitude le monde ils disent qu'il est pas bon cet album-là, ouais. Mais moi c'est un de mes préférés. Puis après ça, ça va être Rotate Your Owl for Science. Bon, on va mettre les deux à 70%. La télé des la télé des champions, de champions, petits gars. On te veut dans notre équipe. Allez, ramène-nous à la maison. I wrote your eye for science. This lab ain't for fun, so we leave our fun owls at home. This lab is for sex, so we need a sex owl. We got our owls from the shelf over there at the top with the other birds that are used for science. You tell me I prefer a peregrine hawk, but every now and then you need a bird that can squawk. Yeah, hawks are great and eagles too, but when you drop your mad sex, only owls will do. Row, row, rotate y'all. Row, row, rotate y'all. Row, row, rotate y'all. Move y'all around. Break new ground. Give me an owl. I move it up, I move it down, I move it side to side. I move my owls with pride. Yeah, but if you want something more special, come see me. I move my owls really professionally. Ah, but I paid all my bills for college by using all my owl rotation knowledge. Come on, y'all, stop with the back chatter, cause the owl-based science is all that matters. Ah, ben, boy, ça brosse à 70% ce soir. On vient d'être rejoint par l'excellent Julien Bernatché. Bonjour, Julien. Là-dessus, je vais commencer à parler du film de ce soir. S'il te plaît, Dieu, est-ce que tu peux aller à la troisième minute? À la troisième minute du film, on va écouter quelques extraits avant de se mettre dedans. Blood Feast, qui a pas vraiment avec... qui est pas Blood Dinner, mais qui a un lien évident, et on va en reparler tantôt. Blood Feast a été plus tôt dans la semaine à la programmation de... Ça s'appelle... c'est pas de pitié pour les navets. Non, c'est pas ça. Il y a un crocodile dans l'histoire. Là. C'est The Vengeance of the Ninja from Video Nasties, le show 2. De Dieu. C'est plus tôt dans la semaine. C'est en archive. Gênez-vous pas à aller voir ça. C'est du gros travail. Hein. Puis en plus, il fait le montage chez eux avant. Tu sais. Lui, il y a un générique. Donc, quand t'es prêt, Dieu, on va écouter 2-3 extraits. Donc, on est au début du film, à peu près à 3 minutes. Et là, on n'a pas entendu la radio avant qui nous disait qu'il y avait un maniaque qui se pouvait rester caché. Au Hanoir! Oh, c'est papa? Comment vont mes neveux adorés? Ah, bien, oncle Hanoir. Je fais mes exercices d'hypnotisme, tu sais. Ceux qui sont dans le livre que tu m'as prêté. C'est bien, Michael, c'est très bien. Et toi, mon petit Georges? Regarde, oncle Hanoir. Miam, miam. Je suis sûr que tu vas devenir un grand chef cuisinier. Ça a l'air très bon, ce que tu as préparé. J'ai une surprise pour vous. Vous vous rappelez de l'histoire que je vous ai racontée sur les Lumériens? Écoutez, et Adéachita, bien sûr, c'est notre histoire préférée. Tenez, je vous donne ces deux talismans. Ce sont d'authentiques amulettes lumériennes. Prenez-en soin. Elles ont plus de 5 millions d'années. Chouette. Et bientôt que votre oncle soit dans un sacré pétrin. Il faut que j'aille régler certaines choses. Qu'est-ce qui se passe, oncle Noir? Je veux que vous me promettiez que vous ne m'oublierez jamais, ni toutes les choses que je vous ai enseignées, et étudiez bien le livre pour Chita. Arrête, s'il te plaît. La maison est cernée. Non, il faut que j'aille. Je vous aime, le petit. Hein, déféqué, non tôt. Sors les mains en l'air, Noir. On arrive. Et c'est là-dessus qu'on termine la séquence initiale du film de ce soir, Blood Dinner, qui est une volontaire, un clin d'œil, hommage, on pourrait dire ça, à Blood Feast. Et je vais commencer mon texte de ce soir en parlant surtout de Blood Feast de 1963, qui a été un film fort dans l'industrie. C'est rare les films d'horreur de cette époque-là qui ont été réédités aussi souvent, jusqu'au format DVD, jusqu'à dernièrement. Pas parce qu'il présente un sujet tout à fait nouveau, parce que les meurtres gratuits étaient... à l'honneur dans l'industrie depuis longtemps. Pas parce qu'il représente mieux un genre très populaire à l'époque du film d'horreur, utilisé depuis longtemps pour remplir les drive-ins d'adolescents libidineux. Pas non plus parce que l'histoire est innovatrice. Les dieux égyptiens, la mythologie d'ailleurs, a souvent été au centre de plusieurs longs métrages avant celui-là. En fait, la critique comme le public sont d'accord pour ne pas trouver grand-chose d'indispensable en Blood Feast, qui est le film duquel je vous parle là. C'est pourquoi, selon moi, Blood Feast de 1963, Dershowitz Gordon Lewis a sûrement obtenu sa renommée en abusant, de la même manière que Jésus a fait son comeback au cinéma dernièrement, c'est-à-dire en abusant du sang sur la couleur rouge, tu sais, collant, sirop de maïs avec de la teinture, là. J'explique. Hein, tiens. Bien que la couleur ait été introduite au cinéma en 1935, c'est au tournant des années 1960 que ça devint un standard marginalisant les productions noir et blanc. C'est beaucoup l'apparition de la télévision couleur dans les foyers qui a été le déclic qu'attendait l'industrie pour marginaliser le noir et blanc. Et quand les standards changent, il est de coutume de recycler tous les classiques qui ont fait l'honneur du standard d'avant. Recycler, de rebooter, de revisiter, revamper, prequeliser, actualiser, en tout cas, toutes les sauces. On le voit en crise de nos jours avec la passation du format VHS au format DVD, au format Blu-ray haute définition, au format 3D, on l'a pas vu passer, mais c'est arrivé, au format 3D, bientôt l'hologramme, oui, ça s'en vient. Je veux dire, Blood Feast est aujourd'hui un film fort, surtout à cause de son quand, plus qu'à cause de son comment ou de son pourquoi. Ça a été le premier film à montrer autant de sang en couleur flamboyante rouge. Et évidence facile qui allait résulter en une pléthore de films de nos jours et duquel Sieur Préjean vous entretient à tous les mercredis dans Vidéo Nasties. En attendant, pourquoi je parle de Blood Feast de 1963 quand on écoute Blood Dinner de 1986? Ben oui, pourquoi? Blood Feast. Ouais, festin de sang, dîner de sang. Pourquoi tu parles? Et voilà. Tu parlais d'un autre film. Simplement. C'est pourquoi tu parlais d'un autre film? Moi, je suis là. Simplement. C'est quoi l'autre film? Simplement parce que Blood Dinner de 1986. Non, mais pose-moi des questions, si tu veux pas. Une réalisation. Parce que la réalisatrice du film de ce soir, Jackie Kong. J'ai même pas été chercher si c'était un pseudo, je trouvais ça trop hot. Jackie Kong, une réalisatrice américaine, a fait de son dernier long métrage, Blood Dinner, un hommage au long métrage de 23 ans auparavant qui était Blood Feast. J'ai appris ce fait hier, deux points. J'ai appris quelque chose hier en faisant ma recherche, c'est que Blood Feast 2 a été tourné en 2002 par les mêmes personnes, par Herschel Gordon Lewis, qui doit être rendu à l'âge d'être en chaise roulante, puis de faire... il demande quoi qu'il veut manger, là. Mais c'est ça, j'ai appris qu'en 2002, ça a été fait. C'est dire à quel point l'industrie a du respect pour quelqu'un qui a fait un film fort de jadis, puis qui a pas signé avec un des sept majors, mais bon. Ah, et saviez-vous que le Chainsaw Massacre d'Hollywood, je pense que c'est Michael Bay qui l'a réalisé, qui l'a produit. Très bonne idée. Parce que le nouveau Texas Chainsaw Massacre, en sa première soirée au cinéma, a fait plus d'argent que l'original en 35 ans d'histoire. Donc, l'important, c'est de profiter des nouveaux formats parce qu'ils savent que vous allez payer pour. Parce que vous aimez ça, hein? La nouveauté. C'est ça. Hein? Là-dessus, prochain extrait, s'il te plaît, Dieu. On passe. Je t'ai donné la petite feuille. 7. Ouais, c'est ça, c'était à 7 minutes. C'est quoi qu'on va voir dans celle-là? Hey, c'est parce que là, on est 20 ans plus tard. Les deux sont dans un cimetière. Pour l'oncle Noir et pour Chita. Ils se sont fait parler de talisman de 5 millions d'années. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? De DS qui... Ouvre le cercueil. Ton membre dans sa bouche. Fait que ça les coupe. Mets-le debout. Tu vois, il est super content. Passe-moi la scie. Tiens. C'est quoi, c'est... Écoute, file-moi un coup de main. Donc, le cerveau n'a bien sûr pas décomposé parce que l'oncle devait partir à Ishtar. C'est jusqu'à 9 minutes 5 que j'ai cliqué l'extrait. Il me semble qu'il y a quoi de bon. Quoi qu'on arrive pas mal là. Là, ils le mettent dans un pot Mason. Point tournant. C'est comme dans Futurama, mais... pas dans 3000 ans. Ishtar va sortir de l'ombre et du chaos. Sa résurrection est proche. Tu crois que ça va marcher? J'en sais rien, c'est la première fois qu'on fait ce genre de truc. 5 millions d'années, bande de crétins! Comment vont mes neveux adorés? 5 millions d'années. À Noir? Oncle Noir? Bien sûr qu'il veut que je sois. C'est bien lui, on a réussi! On a réussi! On a réussi, Georges! Arrêtez de faire les cons, tous les deux, ne dites pas sur la planche! Ça a marché! C'est super! Super! Oh, j'arrive pas à y croire! Y croire! Excellent film. On va montrer d'autres extraits et je vais en parler encore un petit peu tantôt. Le chiffre 5 millions va revenir. Dieu, moi, j'aimerais beaucoup entendre une affaire en particulier, si c'est possible. Dieu, à moins que tu aies de quoi en réserve, mon cher. Tout ce que je veux, ben, j'aimerais ça entendre la chronique de Julien Bernatché. Oh! Mais sinon, une nouvelle de Bruno! Chose à la fois dans son indicatif. Bernatché. Julien Bernatché. Le plaisir de ta Hey Bernatché. Oui. Tu es de retour. Cinéma, Tommy, cette semaine, parce que moi aussi, je vais en parler un peu. Ah, ben, c'est correct, j'ai parlé de jeux vidéo tantôt. Ah. En effet, selon des études récentes, il se fait un film basé sur une bande dessinée à toutes les 8 secondes, à peu près. Oh! Oui. Ouais. Approximativement, d'où la toune 8 secondes des Cowboys fringants. Oh, oui. Ah, ouais. Tu fais à toutes les. Oh, oui. Et tu fais. Faites le calcul, là, 1000 par jour. Yeah. C'est à peu près ça. Ouais, ouais. Fait que je me suis dit, mais je me suis déjà dit ça avant, mais je me le suis dit encore cette semaine, que qu'est-ce qui arriverait s'il y avait des films de bande dessinée réalisés par des réalisateurs intéressants? Ah oui, c'était drôle ça. Ah oui. Ouais, c'était pas pire, hein. Puis ça, ça ouais, c'est demandé fun, Simon Boisvert, je l'avais impressionné. Ouais, j'avais pas aimé ça. Ouais, j'avais dit à ce moment-là Valérian par Simon Boisvert. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis dit, ben, je pourrais récupérer cette idée-là, puis le refaire. Alors, voilà. Mais c'est correct, parce que c'est lui. Oui, oui, c'est ça, non, non. Si Bruno la reprenait, c'est tu sais, Bruno, c'est pas là-dedans qu'il est drôle. Là, ça serait ben, ça super fait, s'il le fait, puis il est super drôle, là, je suis comme... Ouais, là, il est dans marre. C'est un peu gênant, là. Challenge accepté. Ça alors, voilà. Comme des slam battles. Ben, moi, j'ai déjà, j'ai Spirou par Denis Arcand. Toi, tu ferais ça... Tu ferais ça comment, toi, Bruno? Spirou par Denis Arcand? Ouais. Oh ben, tu veux que je t'invente comme une histoire? Ouais, vas-y. Oh, il est super plate, il a perdu. Continue. Ben, j'aurais mis... ben, non, il a perdu. Mais j'ai pas eu le temps de me préparer comme lui, là. Attends. Non, c'est ça. Okay. Non, non, non. Je suis convaincu que Bruno serait plus drôle. Puis, ça ouais, va, moi aussi, je suis problème. Convaincu que je suis plus drôle. Je suis convaincu ouais. Et je suis très en paix avec ça. Ça, c'est alors, une, voilà. Une blague mesquine. C'est ça. Spirou par Denis Arcand. L'œuvre intéressante, mais peu subtile, présente un village de Champignac rongé par la corruption. Spirou, il fait un grand souper dans sa résidence de campagne. Il invite Zorglub, Fantasio, le comte, ses cotines, puis le gars qui est tout le temps sous. Tu sais, le gars qui est tout le temps sous dans Spirou. Tu dis ouais, Zorglub? Zorglub, oui. Comment tu dis ça, toi? Zorglub. Ben non, c'est un U. Ouais, mais je... Oh, que bon, t'as raison. Fait, ça se prononce Zorglub. Je suis juste content de... Je pense... un débat. Gars, mettons, qui connaît Zorglub ici dans la pièce? On lève la main, là. Moi, je sais pas c'est qui, en fait. Mais... Asti que t'es hot, toi. Mais non, vous connaissez pas Zorglub, vous avez juste tout. Besoin d'amis. Ben, l'ombre du Z. Alors voilà. Coca-Cola à l'envers, c'est la lune. Oui, aussi. Ben là, si tu dis à tout le monde, là, allez pas me faire à quoi vous connaissez Zorglub. Là, quand je dis, quand j'avoue que je connais pas Zorglub, tu me. Fuck you, man. Fuck you, Godette. Écoute, là, tu viens déjà de te mettre forêt à dos, là. Fais attention. Non, non. Non, c'est forêt? Moi qui s'est mis forêt à dos. C'est mis forêt à dos, vraiment? Ouais. Comment est-ce qu'on t'a fait ça? Ah, t'écouteras le début l'émission. De l'émission, toi. Ah, certain. Alors, il a téléphoné, il est en tabarnak. Ouais. Ah, bon, oui, c'est la seule faille. Non, non, non. Non, on a trouvé plein d'autres. Okay, d'accord. Intéressant. Mais Bruno, on a trouvé plein d'autres. Ah, OK, on t'écoute. Fait qu'il était, comme je disais, il était dans son grand souper, dans sa résidence. Le vin rouge coule à flot et la discussion semble toujours tourner autour d'un seul sujet, le gros sexe sale. Finalement, le gars tout le temps sous viendra à la conclusion que les bourgeois sont aussi libidineux que les prolétaires et ont juste plus de mots pour en parler. Alors voilà, c'était ça. Pierrot, Denis Arcand. Les bourgeois et les prolétaires. Oui, oui, oui, ouais, les deux, ils aiment le cul, mais il y en a qui ont plus de mots pour le dire. Alors c'était ça, je vais pas passer par quatre chemins pour la faire. J'avais l'impression que Didier Lucien nous rappelait c'était quoi les valeurs de la vie. Ah aussi, ouais. Achille Talon par Quentin Tarantino. Oui, le bon Achille se voit pris dans une histoire de vol de bijoux qui tourne vraiment fucking mal. Les événements ne sont pas racontés dans l'ordre chronologique et la musique est vraiment bonne. L'œuvre, ouais. L'œuvre s'éloigne pas mal de la BD de Greg par son abondance de violence, de vulgarité, de plans de pied. Mais elle y retrouve un peu de son esprit dans la longueur des dialogues. Ah oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah oui. Ah, c'était beau, ça. Des fois, c'était beau. Y a des le meilleur est à venir. Pas de ponctuation. Là, ça, alors, ça. Tout le monde est familier avec Josette et Joko. Oui. Oui, bon, sûr, voilà. Alors, Josette et Joko par Ingmar Bergman. Josette et Joko vivent reclus dans un grand manoir et passent le plus clair de leur journée dans un silence complet. Zette est muette, pétrifiée de terreur par le silence de Dieu. Jo, extraverti et jovial, peine à redonner le sourire à sa sœur jusqu'au jour où il réalisera que la douleur qu'elle porte, il la porte aussi et qu'il doit arriver à faire face à cette tristesse. Réalisant qu'ils sont tous les deux, ils sont les deux côtés d'une même médaille, il étouffe Zette avec un oreiller, la taisant pour l'éternité et la laissant habiter en lui. Pendant ce temps, Joko devient joueur. Pendant ce temps, Joko devient joueur étoile de l'équipe de baseball du coin. Simplement. Joko, c'est le singe, je pense qu'on s'appelle. C'est comme l'autre histoire. Ouais, genre, il y a une affaire qui finit mal, puis l'autre qui finit bien. L'œuvre rafla la palme d'or à Cannes, un enthousiasme Guerjou ne partageait guère. Moi, c'est ça que j'aime le plus. Quand tu crées le... En plus. Ah ouais, le film existe, les critiques sont... Il y a tout, c'est complet. Ouais. Il vendait 200 copies en DVD. Combien au box-office? Alors, Chick Bill par Sergio Leone. Jamais un western avec des personnages ayant tous des calembours comme nom n'aurait été aussi beau, lent et bien cadré. C'est tout. Moi, je l'appelais Chick Bill. Ah, ben oui. Ah ouais? Encore. Je l'appelais Chick Bill. Il y a deux L. Ouais, mais nous autres, en Abitibi, c'est pas pareil qu'à Québec. Là, Cédric par Xavier Dolan. Une œuvre foisonnante en références littéraires, l'amour de Cédric, interprété par le jeune prodige, pour la jeune Chen, interprété par un jeune transsexuel, est mise en image par une abondance de ralentis à la Wong Kar-wai et en plan de derrière de cou. L'œuvre est plutôt bien reçue en France pour sa fraîcheur, malgré ses références photographiques un peu trop appuyées, mais au Québec, par contre, l'accueil se fera plus tiède puisque l'œuvre remporte du succès ailleurs et est trop intellectuelle pour un divertissement. Le vlogueur Gabrois en fera une parodie qui remportera un grand succès sur le web en ajoutant des bruits de pet sauce sur les scènes de sexe gay. Ouais. Xavier Dolan ne sait toujours pas qui il est quand même. Voilà. C'est comme la réalité. C'est toutes les facettes, puis là, tu peux comprendre ce qu'on a d'opinion là-dedans. Ouais, ben tout, oui. C'est ça, voilà. Cédric, il y a des personnages qui ont encore des couches, fait que ben, ça peut comme pire, rejoindre. Celui-là, je l'écouterais. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais voir, oui. C'est Gargouille par Jodorowsky. Gargouille, il n'a jamais rien fait. C'est ça le défi, est-ce que Jodorowsky est capable de rendre ça intéressant? Gargouille est encore plus mitaine qu'Archie. Alors, Tintin au Congo par Leni Riefenstahl. C'est celle qui a fait, ça, qui a fait le Triomphe de la Volonté, le film de la propagande d'Hitler, là. Ouais, celle-là va être drôle. Mais il est dans le bon contexte, hein. Oh, on boy, sait qu'RG, ouais, il y avait ça va bien. Ouais. Je sais que mes cours de cinéma me serviraient un jour. J'ai fallu leur expliquer c'était qui déjà. C'est correct, c'est pas grave. Non, ben, je suis sûr que je connais 50 réalisateurs d'horreur que je connais pas. Alors, cette propagande de 2h30 aux images puissantes de mon Tintin comme le sauveur charismatique d'un peuple faible et sans repère. C'est vraiment beau, mais on se sent un peu cheap de le penser. Voilà. Et en terminant, Michel Vaillant par Denis Côté ou par Herzog. Ça marche avec les deux. Okay, alors, ah ouais, c'est ouais. Ouais. Le tatoué rebelle québécois transforme la spectaculaire œuvre de course automobile en un drame intimiste et expérimental. L'œuvre exigeante à la photographie très léchée, mais se passe uniquement dans un dépotoir où Michel Vaillant, interprété par un trisomique, fait l'amour à des carcasses de voitures. Dommage que l'œuvre soit aussi hermétique. C'est quoi, c'est comme un parallèle universe pour Michel Vaillant où il y a genre. Eu un accident fatal puis à 60 ans, il se rappelle qu'il n'a jamais vraiment eu de relation. Ouais, c'est comme si tous les 70 albums Michel Vaillant sont le rêve d'un trisomique qui vit dans un dépotoir et fourre des carcasses c'est de voiture. C'est comme le Hulk de Ang Lee. Et voilà. C'est beau. C'est ça. Alors, les chiens sont rendus tellement habitués de le voir qu'ils savent qu'ils vont avoir un lunch dans pas long. Oui. Alors, c'est ça, Josette Ezoko par Bergman au Cinéma du Parc, les 7, 8 et 9 mars. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Il reste des places. Le réalisateur est mort. Dépêchez-vous, la salle est vide. C'est Bergman qui nous a quittés en 2007, je crois. Ses derniers mots, ça a été « Allez chier ». On se laisse là-dessus. Voilà. Alors, hey, merci, Meg. Ouais, pas de trouble. Ouais. Pardon? On se parle. Qu'est-ce qui se passe? Hey, sac! On est-tu revenu? Un film de Jem, ben, oui, pour 2012. Jem qui avait le pouvoir d'avoir des boucles d'oreilles qui créaient des hologrammes. C'était, oh, yeah. C'était ça. Ouais, c'est ça. C'était Jem et les hologrammes. Power. Ouais, mais c'était un asti de special power. Ça transformait son char qui était laid en... En ouais, puis le monde ne reconnaissait pas. Tu sais, la fille, vu qu'elle avait du linge en hologramme dessus, ben là, il disait, tu sais, c'est comme aussi pire que He-Man. Ouais, ou Sailor Moon, genre. Moins pire, là. Papa, papa, fait la pub. Ah ouais, le monde reconnaît. Oui, j'avoue. Ouais, le monde, il savait pas c'était qui Sailor Moon. Probablement Sailor Moon, le héros le moins déguisé de tous les temps. Le truc, en fait, avec Sailor Moon, c'est que je pense que sa jupe devenait un peu plus courte. Fait que le monde se concentrait plus sur sa face. Ouais. À deux boules rouges aussi dans les cheveux, je pense. Pour protéger le titre que moi je laisse à Iman du héros le moins déguisé de tous les temps. C'est parce qu'il s'enlève plein. Sur la planète Eternia, ben en fait, Iman se met en bédaine et bronze un peu. Ouais. Mais sur la planète Eternia, il y a 8 personnes. Ouais, en plus. Fait ouais. Tu sais, mettons, en tout cas. Tu gères. Bruno, nouvelle? Oui, alors il y a Princess Samantha Kennedy de Imperial Beach en Californie qui poursuit les studios Paramount pour violation de droits d'auteur car elle affirme que le film Titanic s'inspire de la biographie non publiée de sa famille. Selon ses dires, Princess, qui se nomme ainsi parce que sa mère il a dit qu'elle était parent avec la reine d'Angleterre, la biographie a été écrite entre 1990 et 1992 et commence dans les années 1800. Sa sœur est Rose, le personnage de Kate Winslet, et attention, son père est Jack, le personnage de Leonardo DiCaprio. Which is weird. Ouais. Oh. D'autres personnages du film s'inspirent des membres de sa famille aussi, quoiqu'aucun d'entre eux n'ait été à bord de l'infâme paquebot. Ah, ce qui est une preuve de plus en plus. La femme affirme ne pas être sortie au cinéma depuis 1995 et n'avoir pas pris connaissance du film depuis. Ben oui! Alors, ils m'ont exploité, affirme la princesse. Leurs actions étaient délibérées, je souffrirai jusqu'à la fin de mes jours, rajoute-t-elle. C'est que c'est bon. C'est à cote presque celui de la semaine passée. Champion d'alors de prendre. Il y avait un gars, il s'appelait Champion la semaine passée. Mais je veux dire, la princesse de déclarer, ils m'ont exploité. Tu sais. Ouais. Ah oui. Puis elle a avoué qu'ils détruisent toutes les copies du film. Ben oui. Puis recevoir tout l'argent qu'ils ont fait. Tout. Tout. Ouais. Tout. Tout. Parce que c'est sa famille qu'elle aime. Oui, oui, c'est ça. Puis elle, mettons, Titanic, c'est sorti en 2007. C'est vieux, ça fait longtemps. Pareil, 2007, il était temps qu'elle réalise puis qu'elle agisse, tu sais. 2007, ça fait longtemps. Moi, je me rappelle, il y avait une Italienne, là, ça faisait 68 fois qu'elle allait voir le film en 30 jours. Puis on en avait entendu parler dans le journal. Ah ouais? Ouais, mais l'autre, c'est quoi? Elle vivait sur une île spéciale avec des personnes spéciales, puis elle n'avait pas accès à je rien. Sais pas. Sur Eternia. Gars, je veux même pas le savoir qu'Éric Lapointe attend un deuxième enfant. Puis elle vient de le voir à la TV, que ça disait dans l'article de journal. C'est là, là. Elle l'avait à TV, là. OK. Parce que ça sort en 3D aussi, hein, tu sais. C'est une Américaine. Ça, c'est important. Oui, c'est une Américaine, californienne. Ouais, qui est parente avec la reine d'Angleterre. Eux autres sont tout le temps selon les dires de sa mère. De plus. Qui s'appelle? Elle s'appelle Princesse. Princesse. Ben oui, Princesse. Ben fait oui. Que la réalité, quand t'es princesse, tu peux la... moduler. Ouais, courber. Ouais, faire ça. Hey, une autre, même. Une autre, c'est la dernière, celle-là. C'est la patronne. Excuse. Ça va. T'as manqué l'histoire du gars qui s'est coupé à la main avec ses deux chums avec une chainsaw pour avoir... Ouais. Gros début de show, Bernatche. Tu fais bien de travailler les lundis soirs. Hein. T'écoutes-tu Vidéo Nasties aussi? Ouais, sans faute. C'est chaque mercredi. Manque pas ça. Bloodfeast cette semaine. C'est un rendez-vous. Tu connais le cabaret d'art? Premier vendredi de chaque mois. Chaque mois. Bistrot de Paris. C'est bon. Bistrot de Paris. Et tu signes des autographes au prochain cabaret d'art? Oui, sans faute. C'est parfait. Julien Bernatche, live au prochain cabaret d'art, vendredi, le prochain premier. Ouais. Fait que, sans faute. Pas mal. Tu réécouteras le début de l'émission. Ouais. Oh, oui, sans faute. Écoute pas ce bout-là. Bruno. Non, je tout le temps, là. Non, mais continuez. Allez-y. Ouais, j'avoue, on règle des affaires. Ouais, c'est ça. Bon, on va t'interrompre. Tes cheveux, Julien, j'en ai. C'est fun que je t'ai demandé de couper ça court. Ouais. Alors, c'est ça, coupe ça court, hostie, tes cheveux. Bye-bye. Vas-y, on écoute. OK, d'accord. Alors, on se met ça en bédaine. Dernière nouvelle, un pilote de Southwest Airlines voulait souhaiter bon anniversaire à une maman qui était à bord de l'avion. Malheureusement, certains passagers ont confondu la phrase « We have a mom on board » avec la phrase « We have a bomb on board ». Deux phrases qui ont des significations très différentes. Et certains passagers ont commencé à paniquer. La panique, qui aurait sûrement désamorcé la bombe s'il y en avait eu une, ne servait à rien ici. Et deux passagers ont freaké out et ont décidé de faire une plainte formelle à la Fédération américaine d'aviation qui affirme qu'elle ne lancera pas d'enquête pour manquement à la prononciation. Le plus hot, ce serait... Non, c'est pas vrai. Mettons qu'elle aurait eu une fausse couche à cause du stress. ça aurait été vraiment weird. Ouais. Mais de... En tout cas, non, mais l'important, je pense, c'est... Ah, j'ai couru après le trouble, c'est... Ouais. C'est Jésus. Laissez venir en moi les petits enfants. Ouais, c'est ça. Hey, merci bien gros Bruno, t'as-tu fait le tour? J'ai fait le tour. Hey, c'est les grosses nouvelles pour la semaine, ce qui nous ramène au film de la semaine. C'est pas mal ça, hein, avant de finir l'affaire. Hey, tabarnak, man, le gars, il s'est coupé à la main pour avoir... Ça ressemble au gars dans c'est toutes des vraies affaires, lui, là. C'est fou, là. Moi, c'est des opinions. Lui, c'est pas ses opinions, là. Bruno, il... Moi, c'est de la fiction, moi. Moi aussi, vraiment. Non, d'ailleurs. Non, okay, voyons, si, on est à 70%. Il y a un peu de taux ici. Donc, on parle de Blood Dinner encore un petit peu. En commençant, il est utile de flasher mes connaissances de la mythologie antique. La déesse Ishtar est bel et bien la version babylonienne d'une déesse qui devint Isis pour les Égyptiens plus tard. Il est plutôt bizarre de considérer la déesse Ishtar comme mangeuse d'hommes, comme, tu sais, méchante. Parce que, dans le fond, c'était le principe maternel dans son expression la plus gentille à la base, c'est-à-dire elle enfantait le soleil chaque matin pour vaincre la nuit et ainsi poursuivre le grand cycle qui consistait à faire de la bière avec de l'orge. Mais jamais ça a été une entité sanguinaire désireuse de manger des jeunes vierges. Jamais. Anyhow, le Paul Mason va exiger de ses deux acteurs de neveu qu'ils trouvent assez de morceaux de troisième rôle féminin sexy pour fabriquer de quoi d'assez solide pour accueillir Ishtar. Chitar, qui ne se traduit pas par, comme je disais tantôt, déesse des muffins au son et du prétexte évident. Le mélange humour-horreur tournant souvent à l'absurde, personne ne sera surpris de voir poindre cabotinage et malentendu en surdose. Et c'est justement là que naît le doute sain et perplexant qui nous rassemble chaque lundi. Parce que le mélange humour-horreur en est un des plus fréquents chez les films volontairement absurdes et consiste en plus de 90%, 99% même du cheptel observé de ce qu'il nommait autrefois, encore aujourd'hui mais moins, psychotronisme. Et pour m'y frotter depuis longtemps, ah ouais, t'as mis le douteux, c'est un petit peu comme le psychotronisme, tu sais, je l'entendais en 2000. Et que c'est fatigant de se faire dire ça. Ah, j'en reviens pas. Ça, puis qu'est-ce que tu manges pour avoir les cheveux longs de même, c'est les deux affaires que... Ouais, plus capable. Donc, et pour m'y frotter depuis longtemps, je peux affirmer que rares sont les films qui sont volontairement absurdes de façon assez tout croche pour qu'ils demeurent divertissants, tout en rejoignant la famille des douteux confirmés comme on les conçoit, nous. On est à peu près à moins 6, moins 7 avec Blood Dinner. Donc, le psychotronisme est souvent tellement absurde de gore gratuit que ça fait fondre l'intérêt de tous, excepté des cinéphiles égyptiens les plus farouchement en quête de personnalité. Ouais, je l'aime, cette phrase-là, je vais la rappeler. Le psychotronisme est souvent tellement absurde de gore gratuit que ça fait fondre l'intérêt de tous, excepté des cinéphiles cégepiens les plus farouchement en quête de personnalité. Ah, c'est bon. C'est vrai, t'as manqué de souffle cette fois-là. Ça va la troisième fois. Les deux ensemble, t'es patch, puis ça fait des ultimate sword. All right. Donc, non, le douteux et le psychotronisme ne sont pas la même chose, car si tout est douteux, le psychotronisme fait donc partie du douteux, la majorité des films psychotroniques ne sont pas assez divertissants pour s'éloigner suffisamment du zéro, n'en déplaise aux fans de Lloyd Kaufman et de Trauma Entertainment, qui se font d'ailleurs pas mal moins virulents de nos jours que dans le temps. Croyez-moi, je n'ai eu des discussions où je disais « Ok, c'est correct. » Non, non, tu diras pas ça. Oh oui, c'est très bon, le nerd contre les infirmières. Ben oui, la vengeance des infirmières. Oh oui. Oui, le nerd, là, il pèse play sur le tape à cassette, il n'y a plus de fatigue, puis là, ça fait tourner les petites têtes, là. Fait que là, il met ça dans la face du gars, ça, il mange toute la face, tu sais, les deux petites têtes qui tournent. Ouais. C'est bon. Tu sais, l'idée, c'est drôle, mais quand que ça dure 5 minutes, puis que t'entends crier tout le temps, c'est... Mais moi, une toune, au moins, je sais pas, du country. Non. Puis là, il y a du... Ouais, c'est assez. Dans Blood Dinner, deux aspects du film sauvent notre intérêt. Il y a d'abord le rythme, les scènes défilant à une vitesse respectable, ne nous permettant pas de sombrer dans l'huile usuelle que devient habituellement ce genre de film gore gratuit. Ensuite, ce qui nous pousse à donner la médaille de bronze de moins 7 à ce film, c'est l'ambiance. Surtout l'ambiance. On l'a compris au début avec le vieux, tu sais, qui a pété à la porte, tu sais, pis voyons, c'est quoi qui se passe. T'as l'impression d'être pourquoi aussi... Pourquoi les jeunes sont aussi corrects avec ce qui est en train de se passer c'est là? C'est ça, c'est ça. Il y a comme une ambiance, tu sais, ben, ils sont comme brainwashed depuis longtemps, ouais. C'est ce qu'on est supposé comprendre, là. Je présume. Ouais. Ils sont brainwashed à accepter que mon nom qui défonce tout le temps la porte quand il c'est ça, avec un hachoir à viande, pis qui parle de lui à radio. Sûrement lu le scénario, tu sais. Et voilà. C'est donc une ambiance débonnaire à l'opposé de l'objet de la quête des deux tarlats. Une ambiance supportée par des dialogues pour le moins spéciaux. Je vous conseille fortement de vous concentrer sur les dialogues, vraiment. Tous les commentaires des femelles hagardes tiennent du génie à l'envers et toutes les séquences durant lesquelles le pauvre Mason fait conseil de guerre avec ses deux agents. T'sais, tu respectes le pot Mason. Bon. Oh, et puis on a parlé de 5 millions tantôt. J'ai pas fait de recherche, vraiment. Là, j'y vais de mémoire. Vous irez sur Google, vous m'enverrez chier virtuellement après. Je pense que c'est le monde de mort le 11 septembre 2001. Oui, c'est ça. Exactement. les anthropologues ne sont pas tous d'accord pour établir la naissance de notre espèce, mais notre espèce est Homo sapiens sapiens. Les dernières théories veulent que nous sommes le résultat de la rencontre de l'homme de Cro-Magnon, qui venait du nord de l'Afrique, et qui s'est sauvé de là parce que le Sahara commençait à se désertifier. Avec l'homme de Néandertal, qui lui vivait en France depuis depuis longtemps. Cet événement s'est produit il y a environ 100 000 ans. La notion de ce que l'on nomme civilisation est beaucoup née avec les premières sépultures. Là, c'est beaucoup plus large. On est entre 45 000 et 80 000 ans dans le passé. Donc, il y a 5 millions d'années, la Terre était sous le règne des oiseaux. Vous irez faire vos recherches encore une fois. Tous les dinosaures, ben, la majorité des dinosaures qui ont survécu sont devenus des oiseaux. Mmh. Les autruches, c'est les tyrannosaures de dans le thème. Bon, à chacun, ça dérape. Là. Les pandas, c'était quand même des machines à tuer. Ils ont décidé de manger du bambou et d'aller s'enfermer en haut d'une montagne qui peuvent plus descendre parce qu'ils sont trop cons. Des fois, c'est le fun de prendre ce relax aussi. Hein? Wow, mais quand l'espèce décide, il y a de quoi qu'ils ont pas compris. Quand l'espèce décide de manger une affaire qui tue complètement ta libido. En fait, de ne se nourrir qu'exclusivement de ça. C'est drôle que t'en parles. J'ai mangé une tomate qui goûtait plus l'esturgeon aujourd'hui qu'une tomate. En tout cas, comme ça. Aussi, je vous encourage grandement à rester en contact avec l'entité cinématographique jusqu'au début, mais le contrat, pour savourer une séquence finale vraiment... Hey, un mot que j'ai jamais dit là, pour la qualifier. Italianophobe. J'ai jamais dit ça. Jamais de toute manière. Donc voilà, c'est le film de ce soir, l'excellent Blood Dinner, qui est un choix de Dieu Préjean, qui est quelque chose que je suis très content de diffuser. On l'avait déjà mis pendant notre spécial de l'Halloween. Ça a pas été ma découverte la fin de semaine. Moi, c'était Cemetery Man. Mais Cemetery Man, c'est... Oh, un jour, on le mettra bien. En attendant, c'est quoi? C'est la fin du show. Ça nous amène à parler avec Marianne une dernière fois. Chronique éclair! Fait que là, tu vas venir encore nous parler d'éclair, là? Vas-y! Je vous l'avais promis la semaine dernière. Je suis un homme de parole. Bon, chronique chaman. Le chaman. Oh, ok? Wow. Aucune marge d'erreur. Chaman! Chaman! Aucune marge d'erreur, 33 ans d'expérience, 100% garantie. Ne croyez pas aux sorcières, mais ils existent, sont la vérité. J'en parle, mais chaman. Le son, est-ce qu'il y a un T au bout? Non, vraiment pas. S-O-N. Ok. Guérisseur de naissance, retour de l'être aimé, peu importe les circonstances et la distance qui s'oppose à vous, soigne toutes sortes de maladies et d'influences négatives, révèle la face de l'ennemi, purifie les maisons et les bureaux, je suis le vrai Schumann, le Kourou, avec un C, je sais pas si on c'est ça vraiment. On devrait voter pour lui aux prochaines élections. C'est la colère, là? La colère? Je sais pas, c'est ça, c'est il est le courroux. J'en bois des fois pour aller veiller. Ce qui m'a fasciné là de ça là, c'est les témoignages réels. Maintenant, il y a des témoignages de vraies personnes avec des photos floues. Donc, je vais vous en lire une couple. OK, tu peux faire un zoom in là-dessus. Guérisseur de naissance, c'est difficile. Hein. On a un témoignage réel ici de Elisabeth qui dit « Ma vie sentimentale, ma santé et mes finances se dégradaient, bien que j'ai toujours été une femme carriériste. Aucun fait ne justifiait cette malchance. Après ma première consultation, j'ai pu voir la visage du responsable à mes problèmes. Merci, chaman, d'avoir dévoilé la vérité sous mes yeux. » Ah, des fois, c'est le même. Ça, tu l'as-tu appelé? Ça serait cool qu'il vienne nous faire une consultation. Ah, ça serait malade. Deuxième témoignage réel. Je l'aime bien, lui aussi. Moi, je l'ai vu. Toujours encore. Plus réel. Oui, encore. Donc. Témoignage réel. Nous avons pu libérer notre famille et notre maison d'un mauvais sort que notre voisin avait jeté. Ben oui. Il avait brûlé un fétiche dans notre cour arrière afin de détruire l'harmonie et la joie qui régnaient chez nous. Il a visé spécifiquement l'harmonie et la joie. Aujourd'hui, c'est du passé grâce au chaman quand tu es le meilleur. You're voilà. The best, chaman! Une bonne main d'applaudissement. Hey, désolé. Oh. J'étais très solitaire depuis que je me suis séparé de ma conjointe. C'est toi, Bruno. Et j'avais perdu toute stabilité personnelle et financière. Puis j'ai eu des relations sentimentales qui échouaient à cause de mon problème érectile. Grâce à mon urine. Grâce à mon urine, voyons. Grâce à mon urine, le chaman m'a montré le mal qui me détruisait. Check après ta pisse. Tu vois ta pisse? Ah oui, il y a bien trop de diable dans ta pisse. Tu veux? C'est ça qui arrive. C'est plein de démons. Goody. Ça, c'est le goût du démon, ça. Il a fait boire sa pisse. Ça goûte pas méchant. Même d'habitude, ça, ces affaires-là. Non, crée-moi. Je suis en compagnie d'une merveilleuse femme que je souhaite épouser. Merci, chaman. Elle est peut-être payée par le chaman. Oh. C'est la merde. Rapidement, donc. Ma copine et moi planifions actuellement notre mariage, bien que sa famille ait tout essayé pour nous séparer. Mais la sagesse de chaman a pu harmoniser notre relation et faire en sorte que sa famille m'accepte. Merci, chaman. You're the best. Encore une fois. Elle voulait pas que sa femme, sa fille se marie avec un gars qui croit au chaman. Ce sera la dernière ici, donc... Déjà? J'étais très préoccupé par... Oui, c'est une chronique éclair, chaman. Donc, j'étais très préoccupé par le déroulement de ma grossesse car j'étais malade et mon conjoint en était indifférent. En fait... Grâce chaman au chaman m'a dit de le crisser là pour d'avoir un peu de respect pour moi-même. Merci, chaman. Ouais, mais en fait, il avait été influencé par de mauvaises énergies. Ah! Le voisin, il avait brûlé un fétiche. Elle a désavoué son chum, fait que ça va mieux, elle est plus malade. Merci, chaman, pour avoir éliminé toutes ces mauvaises ondes autour de nous. Donc, de Tamara. Il va falloir que je te montre dans ma porte de chambre. Là, j'ai un panneau avec plein de... J'en ai pour toi, ça ouais, va complémenter ça, ta collection. Le fainer, ouais. J'ai deux grands titres, peut-être, en finissant, pour sortir ben du chaman. Bien sûr, fais ça. C'est ces deux grands titres qui ont attiré mon attention cette semaine. Premièrement, Montréal, capitale du Oreo. Le Oreo, c'est une région qu'on connaît pas, mettons, pour être capitale. D'habitude, il faut que tu sois capitale de quelque chose. Ou... C'est le nouveau continent. Ah, OK. OK, donc c'est nous autres. Bravo, la gang! Yeah. Non, je sais pas. On veut pas perdre ça, cette titre-là. C'est comme Trois-Rivières qui était la capitale du papier. Mmh. Ouais, après ça, c'est devenu la capitale avait... du chômage. Ouais. Mieux le Oreo, moi. Ça, c'est... Tu sais, là... Puis les bâtons d'Hockey Sherwood, ils ont déménagé en Chine. Ouais. La meilleure Chine. Musicien de l'enfer, de la cravate au heavy metal. Front page. Vraiment aimé ça. De la cravate au heavy metal. Donc, il est en... De jour, il travaille à la Banque Nationale, puis de soir, il vire en bête de l'enfer. Ça l'arrive jamais, ça, des affaires de même, en plus. Je me rappelle, Dernière Heure avait fait un dossier sur un avocat qui avait des piercings, puis il était obligé de les enlever avant chaque fois qu'il allait en cours, parce que, tu sais... Hey, hein, donne-moi une demi-heure, faut que je remette mes plugs. Voyons, tabarnak. Hey, là-dessus, Marianne, parle-nous de ton cabaret qui s'en vient, le cabaret d'or qui va se passer le premier vendredi du mois. Oui, cabaret de la Boîte d'or, en fait, comme on avait nos 6 à 8 déjà auparavant, maintenant on ouvre officiellement les soirées cabaret. Donc en première partie du 6 à 8, on a Julien Gagné, Dominique Dagenais et Maya Kachabak, qui est une auteure-compositeur du Yukon. Elle est extraordinaire, faut vraiment... c'est quelqu'un à découvrir. Elle s'appelle là. Cloche à vache. Cachabac. Ok, ouais, c'est... Tu me déconcentres, Tommy, j'ai la misère. Voyons, t'es donc bien facile à déconcentrer. T'es trop beau. T'es tout rouge. Le chaman encore. Donnez pas trop de pouvoir à Dieu, là. Alors, regarde-moi, toi, et puis lis tes affaires. Ok. Non, c'est ça. Puis dans les cadres de des cabarets de la Boîte d'or qui commencent à 9h le 6 avril, on va avoir en court-métrage Zombie, le documentaire par Mathieu Enfield, qu'on connaît déjà. Qu'on salue. Salut Mathieu. Bonjour, moi je suis Mathieu. Non, salut. C'était non. Pas gentil, ce non, Julien. Non, très gentil. On se réinvitera plus, là. Ah, s'il vous plaît, faites-moi pas ça. Faire. Comme invité peintre, on a l'artiste poulpeuse René Gélinot, spécialiste en poulpe. C'est hot, ça. On va avoir droit à des poètes, des slameurs, poètes urbains, Jonathan Mavungu et Mec June, ainsi que la grande dame Vizir qui organise ses slams et Léon au Lézard. Puis on va avoir un invité spécial, Nika Cantabile, qui va bientôt faire son lancement d'album, donc violoniste électrique qu'on a entendu plus tôt en soirée. Vous pouvez avoir toutes les informations sur laboitedart.ca. Vous pouvez nous trouver sur Facebook. On a les pages d'événements. Vous pouvez venir nous demander d'être nos amis. Oh, on vous wow, aime. On va sûrement mettre des liens sur notre page à Valentin aussi, parce que moi, je veux que ça pointe ton idoué. C'est quoi, MC Jones? C'est celui qui parlait des enfants? Non, c'est pas... Okay. Ouais, non, c'est June, point, okay. C'est pas... Ok, ben je suis... Malaise! Fait que, on parle du prochain premier vendredi pour voir MC June, la fille qui fait des poulpes, puis j'aime ça, j'adore ça. Ouais, c'est vrai qu'elle fait l'empereur poulpatine assez... L'empereur poulpatine. Ah, oh, c'est bon ça, caméraman. L'ampleur, poulpatine. Non, l'ampleur. Ouais. L'ampleur. L'ampleur. Poulpatine. Donc, c'est ma cola. René, c'est ma cola. C'est la fin de l'émission. On est rendu au bout. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. C'est quand même 1h30, puis il y avait la moitié sans Julien. C'était pas facile. C'est quasiment 2h à soir. C'était pas facile. Merci beaucoup à Étienne Forêt, parce que c'est cool quand il vient à l'émission. On est bien content de le voir quand il est là. Tu sais, Étienne. C'était vraiment cool que tu sois là à soir parmi nous. On est vraiment c'est content. C'est ça, on est avec toi, Étienne. Le soir de sa fête. Le soir, en tout cas. Fait que, hey, Étienne, tout le monde. Étienne! C'est bon, là-dessus, hein, vous l'avez pas, c'est comme ça. Étienne! Toi, t'es fort, c'est sûr. Marianne. Marianne, merci bien gros d'être passé. Merci, Tommy. Le cabaret d'or, on va t'en garder un ici, puis on va en mettre un autre ailleurs. Bernard Chez. Ouais. Encourager. Chez le Talon par Tarantino, cinéma Beaubien. Tous les premiers du mois. Ouais. Allez voir. S'il n'y en a pas, plaignez-vous. Oui. Exactement ça. Merci à Préjean à console, aux fans dans le salon, à Bruno Nouvelles. Manquez pas les nouvelles. Tous les soirs à Radio-Canada à 18h. Il y a plein de nouvelles. Plein de nouvelles. Boudreau. Chris, que je t'aime. C'est ça qu'il a dit. Moi, c'est Tommy Godette. Merci beaucoup, Andy, aussi à la caméra. Je pense qu'on a fait un 70% qui mérite son nom. La semaine prochaine, en vote, c'est deux films que j'ai oubliés. Là. Vous êtes sur Internet, www.douteux.org. Allez voter. Now. Merci. Salut. On vous laisse avec quoi? Je ne sais pas. C'est Dieu qui choisit. Pas n'importe quoi. Hi there, I'm Adam, Prince of Eternia. This is my kitty, Mr. Cringer Pants, the most cutest kitty in the universe. Fabulous secret powers revealed to me. day I held aloft my magic sword and sang. Years, and my life is still trying to get off that great big hill of hope for a destination. And I realize quickly when I know I should that the world was made up of this brotherhood of man. For whatever that means. And so I crashed on that when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And destination.